maka, angome, angomaka, angome, angomaka. Overdose, Evanco. La samwa est autre pamba et na makani si wana mama. Baluka ki moye ke basuka na malita. Cabana.